Elle avait le droit de la signer pour le remboursement de ses créances. Elle prouverait d'abord qu'il était tenu solidairement à payer tout le passif de la compagnie, puisqu'il avait déclaré comme dette collective des dettes personnelles, enfin, qu'il avait diverti plusieurs effets à la société. Tout cela le rend coupable de banqueroute frauduleuse, articles 586 et 587 du Code du commerce. Et nous l'emballerons, soyez-en sûre, ma mignonne. Rosanette lui sauta au cou. Il la recommanda le lendemain à son ancien patron, ne pouvant s'occuper lui-même du procès, car il avait besoin, à nos gens. Sénéca lui écrirait en cas d'urgence. Ses négociations pour l'achat d'une étude étaient un prétexte. Il passait son temps chez M. Roch, où il avait commencé, non seulement par faire l'éloge de leur ami, mais par l'imiter d'allure et de langage autant que possible, ce qui lui avait obtenu la confiance de Louise, tandis qu'il gagnait celle de son père en se déchaînant contre le Drurolin. Si Frédéric ne revenait pas, c'est qu'il fréquentait le grand monde. Et peu à peu, Des Lauriers leur apprit qu'il aimait quelqu'un, qu'il avait un enfant, qu'il entretenait une créature. Le désespoir de Louise fut immense, l'indignation de Madame Moreau non moins forte. Elle voyait son fils, tourbillonnant vers le fond d'un gouffre vague, était blessé dans sa religion des convenances et en éprouvait comme un déshonneur personnel, quand tout à coup, sa physionomie changea. Aux questions qu'on lui faisait sur Frédéric, elle répondait d'un air narquois. « Il va bien, très bien. » Elle savait son mariage avec Madame d'Ambreuse. L'époque en était fixée, et même, il cherchait comment faire avaler la chose à Rosanette.